cacher. Toucherais tu mon érudit trop bien elle à l'unité. Et si je te montre, songerais-tu l'interdit tant d'espérer. S'allèverais-tu ce tissu arraché. Caresserais-tu mes talons viens caresser. À demi-nu. C'est un jeu qui me plaît. Où chacun voudrait gagner. Moi je joue aux cartes sur table. Bout de bois inébranlable. Allongé sur le marbre chaud. Et faibles et courtisanes. Enduisent de miel ma blanche peau. Me préparant à voir le mal. Et si je te dévoilais, que penserais-tu? Mes temps de courbe dessinée. Saliverais-tu sur un satin papier mâché? Toucherais-tu mon érudit trop bien élevé? Et si je te montrais, songerais-tu l'interdit tant d'espérer? Saliverais-tu ce tissu arraché? Que caresserais-tu mes talons viens caresser? À demi.